Oui, monsieur Lebedev, si j'avais pu accomplir ce miracle, c'est-à-dire rendre la raison au prince Mishkin, je me serais contenté de 100 roubles. Voici votre argent, professeur. Avec mes 200 roubles, je perds mes dernières illusions. Ah, vraiment? Je croyais que vous les aviez perdues depuis longtemps. Adieu, monsieur Lebedev, et ne prenez pas la peine de m'accompagner jusqu'à la porte. Resté seul, je jetai un regard avide sur le prince, comme si j'espérais que le prince, outré par la conduite scandaleuse du professeur Platonov, allait retrouver ses esprits. Mais son visage ne reflétait rien. Alors je décidai de me rendre chez Hippolyte. Mais décidément, ce jour ne devait me réserver que des surprises décevantes, je peux même dire pénibles. Je trouvai le jeune Ftizik en train de rendre l'âme. On tousse, jeune homme. On essaie d'effrayer ses amis, mais on ne me fait pas peur à moi. Car je suis intimement persuadé que dans un mois ou deux, on se portera comme un charme. Que venez-vous faire ici, monsieur Lebedev? Je n'ai que faire de votre visite et de votre bavardage. Allez-vous-en. Oh, c'est ainsi que vous me recevez, Hippolyte. Et moi qui me faisais une joie de passer quelques minutes en votre compagnie et de vous apporter un peu de réconfort dans votre épreuve terrible, mais passagère, j'en suis sûr. Passagère? Vous êtes un ignoble personnage, monsieur Lebedev. Vous savez parfaitement que je suis en train de rendre l'âme. Peu vous importe. Vous me soulevez le cœur, monsieur Lebedev. Allez au diable! Laissez-moi mourir, sinon en paix, au moins dignement. Ah, en voilà assez, Hippolyte. Je ne vois pas pourquoi ma présence peut vous empêcher de mourir dignement. D'ailleurs, on ne meurt jamais dignement. Mais passons. Je suis venu vous voir pour vous entretenir du prince. Je savais bien que vous n'étiez pas venu pour moi, allez. Mais que pouvez-vous m'apprendre au sujet du prince que je ne sache déjà? Que j'ai appelé le professeur Platonov auprès de lui. Le professeur Platonov l'a guéri? Non. Il a empoché 200 roubles et a laissé le prince dans son état de prostration. Didiassi, vous voulez dire? Tant mieux, croyez-moi, monsieur Lebedev. Comment cela, tant mieux, Hippolyte? Alors, je sais bien qu'une longue maladie aigrit les gens et les rend indifférents au sort des autres. Cependant, sachant votre attachement au prince, je ne m'attendais pas à ce que... Ah, vous n'êtes pas seulement une fripouille, monsieur Lebedev. Vous êtes également un sot. Pourquoi vouloir absolument tirer le prince de son état de prostration, c'est-à-dire d'inconscience bienheureuse, pour le replonger dans notre joli monde, pour le faire de nouveau souffrir? Le prince est impur, et la pureté s'accommode mal de la réalité. Laissez donc le prince tranquille. Ne vous occupez pas de lui si vous l'aimez un peu. Un peu, Hippolyte? Je l'aime vraiment, lui seul. Mais comment le garder chez moi maintenant qu'il est redevenu idiot? Mais c'est tout à fait impossible. Je suis bien aise que vous cessiez de jouer au philanthrope pour vous montrer tel que vous êtes. Une canaille. Une canaille, monsieur Lebedev. Oh, vous êtes dur, Hippolyte. Je peux même dire injuste à mon égard, car... Le prince vous gêne. Le prince, privé de sa raison et de son argent, est devenu pour vous un poids. Eh bien, débarrassez-vous de lui. Renvoyez-le en Suisse, au docteur Schneider, qu'il n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. Et maintenant, partez, monsieur Lebedev. Oui. Allez-vous-en, oust! Je sens que ma fin est proche. Et j'ai juste le temps de m'y préparer. Je regagnai la maison, accablé. J'avais mauvaise conscience. Je m'assis en face du prince et je me mis à guetter sur son visage un signe qui m'aurait permis d'espérer qu'il avait retrouvé sa lucidité. Bientôt, je me levai, découragé. C'est alors que Kolia, accompagné du boxeur Keller, vint frapper à ma porte. Hippolyte est mort. Cette fois, il a tenu parole. C'est vous qui l'a vu le dernier, paraît-il. Vous a-t-il dit quelque chose, Lebedev? Oh, rien de spécial, Kolia. qu'il allait mourir et qu'il avait juste le temps de se préparer à recevoir dignement la mort. Je vois, il est parti sans geindre. C'est vraiment bien. Mais si nous parlions un peu des vivants, le général Ivolgin, Nastassia Philipovna et maintenant Hippolyte, tous ces morts me donnent soif. Oh, vraiment, quel air ! Tenez, voilà une bouteille, voilà un verre. Buvez si votre cœur vous le permet. Mon cœur me le permet, mais je ne boirai pas par respect pour le prince, quoiqu'il ne se rende compte de rien. Que faisons-nous du prince, Lebedev ? Oui, que faisons-nous du prince ? Nastassia Philipovna est dans son tombeau, Aglaé Ivanovna est à l'étranger. À propos, elle vient de se fiancer avec un comte polonais. Rogojine, lui, est en prison. Nous sommes donc devenus les tuteurs du prince. Hippolyte, avant de mourir, m'a conseillé de le renvoyer auprès du docteur Schneider, en Suisse. Il avait peut-être raison. En tout cas, Saint-Pétersbourg ne lui vaut rien. Avez-vous appelé le professeur Platonov, le BDF ? Oui, Kolia. Et que vous a-t-il dit ? Qu'il n'était pas Dieu et que, par conséquent, il ne pouvait pas guérir le prince. Et pour me dire cela, il m'a pris 200 roubles. Oh, le cochon ! 200 roubles pour avouer son incompétence ? C'est ce que je vais faire remarquer. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le prince regagne la Suisse. Mais voilà, il ne peut pas voyager seul. Je l'accompagnerai, qu'à cela ne tienne. Et avec quel argent, monsieur Keller ? Mais avec le vôtre, bien entendu. Moi, comme d'habitude, je n'ai pas un copec. Vous avez raison, Keller. Avec le mien. Car je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir tout tenté pour sauver le prince. Et le lendemain, nous conduisîmes le prince à la gare. Kolia l'installa dans un wagon vide, près de la fenêtre. Keller, un Keller proprement vêtu et parfaitement sobre, prit place à côté de lui. Moi, après avoir fait monter ses malles, je m'approchai du prince, doucement, tel un chien qui vient vers son maître, ne sachant pas comment ce dernier va l'accueillir. Lorsque je fus à quelques pas de lui, je m'arrêtai et je levai les yeux sur lui. Peut-être espérais-je encore qu'il allait dire un mot ou faire un geste prouvant qu'il avait retrouvé quelque lucidité. Mais il demeurait silencieux et son visage n'exprimait rien. Alors, le cœur plein de chagrin, je l'embrassai tendrement, comme on embrasse un enfant malade. Et j'ouvris précipitamment la portière du wagon. Je me sentais incapable de prolonger ces adieux déchirants. Cependant, une fois sur le quai, perdu dans la foule, j'attendis que le train s'en alla. Et lorsqu'il s'ébranla enfin, je me couvris le visage de mes mains et je pleurai à chaudes larmes, tout mon soûl. Et si j'ai pu pleurer, moi, la canaille, pourquoi désespérer de l'homme ? Voilà, j'ai fini. Et maintenant, je n'ai qu'un désir, rejoindre un jour le prince Mishkin en Suisse. Adieu. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec pour ce 67e et dernier épisode Jean-Jacques Delbault Lebedev, Jean-Pierre Lorrain Kolia, Maurice Bénard le professeur Platanov, René Ferral Hippolyte, Georges Géret Keller. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacqueline Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.